Entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8. Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Entrée sans payer. Aujourd'hui, on va parler du travail vivant, du travail en général. Et de la critique du travail avec un auteur particulièrement intéressant et particulièrement fécond, André Gortz, qui a théorisé la critique du travail notamment et plein d'autres domaines, un penseur de l'écologie politique, un penseur marxiste aussi, et qui a aussi proposé des solutions pratiques et des alternatives pratiques à la société marchande, dont les magasins gratuits pourraient faire partie du programme. Donc c'est l'occasion pour en parler, d'interviewer Lucie, qui est à l'origine de la donnerie dans le Donezan. Voilà, donc on va essayer aujourd'hui de faire un peu connexion entre des applications pratiques et aussi un peu plus de théorie. Donc c'est parti, on va d'abord s'écouter un petit morceau de Mushu Otoku. Denis, est-ce que tu peux présenter Aurore Bleue ? Alors Aurore Bleue, c'est le morceau d'un collègue, enfin d'un pote que je salue, qui est à La Roche-sur-Yon. Et le morceau, il vient d'un groupe qui s'appelle Arty. Donc voilà, bon, on envoie. Allez, Bleue, c'est parti, Arty. Et on se retrouve après sur Radio Balade. Caminante, no hay camino. À l'andar se hace camino. Caminante, homme cheminant, tu vois, l'homme qui chemine, hein, toi qui marches, ce sont tes traces, le chemin et rien d'autre. Caminante, no hay camino. Il n'y a pas de chemin. On fait le chemin en marchant. Son nom sur les lèvres d'une femme. Entre la vie et le rêve, il y a une troisième chose. Cherche. Connaissez-vous les vers de Machado? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Fabuleux poète. Machado était professeur. Il avait épousé une jeune fille d'une grande beauté. Et il aimait plus que tout. Et elle est morte. C'est alors devenu un grand poète. Machado aurait manifestement tout donné, le moindre poème, le moindre vers jamais composé, pour revoir même une seconde sa femme bien-aimée. Malheureusement, confronté au pire chagrin, les règles habituelles de l'échange ne fonctionnent pas, parce que les larmes, ça transcende la valeur. L'homme donnerait des nations entières pour voir enfin le chagrin disparaître de son cœur. Et pourtant, on ne peut rien acheter avec les larmes. Parce que les larmes, ça ne vaut rien. Et c'est reparti dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Donc nous sommes avec Lucie. Lucie, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc Lucie, en quelques mots, tu es à l'origine... toi et sans doute d'autres personnes, tu vas nous expliquer d'une donnerie qui vient d'ouvrir récemment dans le Donezan. C'est ça, dans le Donezan, avec Laurence et Joël. D'accord, vous êtes trois, le noyau dur, on va dire, qui a commencé le projet. Mm. Alors comment ça fonctionne en gros? Est-ce que c'est rattaché à une association Oui, c'est ça, en fait, c'est rattaché à l'association Les Ocelles. Donc Les Ocelles, c'est une association que j'ai créée avec ma mère en 2019. Au départ, ma mère, elle voulait créer un rucher école et moi un pressoir itinérant. Donc on a commencé comme ça et puis après on a ouvert l'association aux gens qui voulaient créer des projets comme ça d'entraide, de formation autour de la biodiversité et de l'entraide. Et il y a un jardin partagé qui s'est rajouté et la donnerie du Donezan, voilà. D'accord, et alors du coup, quelle a été votre source d'inspiration pour faire une donnerie précisément ? Alors la donnerie, en fait, c'est Laurence qui habite dans l'ancienne boulangerie du village, donc elle a un très grand sous-sol. Ouais. Ça faisait un petit moment qu'elle me disait qu'elle voulait... utiliser cet espace justement pour la communauté, pour faire de l'entraide. Et il se trouve que j'ai acheté une maison il n'y a pas longtemps où il y avait plein de choses. Et plutôt que de les jeter à la déchetterie, j'ai dit à Laurence, écoute, on trie tout ça et ça servira de base pour donner aux gens. Et puis on ouvre une donnerie et après, on va voir quoi si ça marche et si les gens jouent le jeu d'apporter des affaires pour les donner et ainsi de suite quoi. Et c'est comme ça que ça a démarré en novembre dernier, voilà. D'accord. Donc c'est tout récent quoi. Hein, vous lancez dans l'aventure, on va dire. C'est ça. C'est ça. Mais les gens jouent le jeu. Enfin, y a beaucoup de gens qui apportent des affaires et c'est ouvert donc le mercredi et le samedi. Donc c'est le matin, sauf pendant les périodes scolaires où du coup on fait plutôt l'après-midi. Et il y a pas mal de gens qui passent quand même, ça va. Et est-ce que du coup vous rencontrez certains problèmes ou ça se passe globalement bien? C'est une expérience enrichissante. J'imagine que comme dans toute expérience, il y a du plus et du moins. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en retires? Pour l'instant, c'est plutôt du plus. Ah, oui. Après, ça demande quand même une certaine organisation. Je sais que dans la demande, ce que les gens aimeraient, c'est que ce soit un peu plus ouvert. D'accord. Par exemple, pourquoi pas toute la journée, parce que pour l'instant, donc, c'est que 2 heures, soit le matin, soit l'après-midi, en fonction si c'est en période scolaire ou pas, le mercredi et le samedi. Donc on propose, enfin c'est ouvert hein, aux gens qui voudraient tenir la donnerie, s'il y a des bénévoles qui voudraient se rajouter, il n'y a pas de souci. Après au niveau des objets, on a beaucoup de vêtements, pas mal de vaisselle et de livres, un peu moins par exemple de meubles, mais c'est une question de logistique, j'imagine que les gens ont moins la possibilité de transporter, c'est plus difficile à amener quoi. Mais finalement c'est ce qui est le plus utilisé, les vêtements c'est ce qui marche le mieux. Après ce qui serait bien c'est d'avoir un peu de tout quoi, en fait, voilà. D'accord, alors l'idée c'est que ça soit suffisamment large pour proposer tout type de ressources quoi, on va dire. Oui c'est ça, en fonction de ce que les gens ont besoin aussi, en fait, c'est ça. Par exemple, des outils, je ne sais pas, souvent c'est un truc qui peut manquer. Oui, on n'en a pas, des outils de jardin, des outils de bricolage, ça, il n'y en a pas. Et est-ce que vous avez l'intention à ce niveau-là de faire du prêt éventuellement, de prêter des outils gratuitement Mais s'il y a des gens qui se proposent, qui ont des pourquoi pas, en fait, c'est ça, tout est ouvert, il faut que... S'il y a des gens à qui ça ne dérange pas de prêter les outils, on pourrait mettre des petites annonces. Je peux prêter, je sais pas moi, une visseuse. Et puis on les met en contact. Ça pourrait être une idée, oui. Dans l'idée de mutualiser, quoi. On va sûrement proposer une journée aussi troc de graines et de plants au printemps. D'accord. Il y a plein de possibilités, en fait, il y a plein de thèmes possibles pour proposer d'aider, de donner ou de partager, voilà. Et est-ce que vous y mettez une ambition, on va dire, de changement social ou là, l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de local ou comment vous voyez la chose par rapport à ça? L'entraide, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'important pour la société. Donc, il faut lancer l'idée. Et puis, si les gens adhèrent, ça crée un mouvement c'est local, au niveau de ce lieu. Mais, on lance des idées. Après, on jette une bouteille à la mer. Après, les gens, ils suivent ou ils suivent pas. C'est ça, en fait. Ah ouais, on sème des graines, on va dire. On sème des graines aussi, oui, ça marche. Ouais. Oui, parce que disons que la bouteille à la mer, la graine qu'on sème a plus de chances de prendre quelque part. Ouais, la bouteille à la mer, c'est... Mais bon, les deux métaphores sont valables. Hein. C'est ça. Ouais. Là, est-ce que vous avez des choses à rajouter, des projets pour le futur, je sais pas, vous agrandir, occuper la boulangerie, pourquoi pas. Le pain gratuit, le pain gratuit. Alors là, le hangar est plein, on peut pas l'agrandir plus que ça. Ah, mais, il est déjà plein. Oui, il y a pas mal de choses. J'ai été surprise de parce que bon, on avait une base avec les choses que j'avais apportées de ma maison, mais ça tourne quand même pas mal au niveau des gens. À chaque fois, il y a des choses qui amènent. Les gens, souvent, par contre, ils osent pas trop prendre. Ils viennent souvent voir, mais on n'hésite pas à insister, à leur dire c'est du don, c'est de la gratuité. Il y a certaines personnes qui amènent des choses et d'autres qui ont besoin et qui prennent des choses. N'hésitez pas à prendre. Mmh. C'est plus difficile dans l'autre sens, quoi. Donc, non, la seule chose que j'aurais à dire, c'est n'hésitez pas à passer, à venir voir et à proposer des idées, en fait. C'est juste un support. Après, les gens, ils peuvent proposer d'autres idées, comme tu l'as dit, là, pour le prêt des outils, c'est une bonne idée. Comme sûrement, on va faire un troc de graines. Voilà. D'accord, donc ouvert à toute proposition, toute initiative. Et c'est ça qui va constituer l'énergie du lieu, quoi. Donc, c'est ça. Ne pas hésiter. Voilà. Voilà. Bon, Lucie, alors du coup, merci beaucoup pour de nous avoir parlé de ce projet-là. On On invite tous les auditeurs qui sont pas trop loin. Le Donezan, donc c'est où exactement Le Donezan, enfin, c'est l'endroit où est le magasin. C'est à Mijanès. Mijanès, ouais. Ouais. Côté de la station de ski, quoi. D'accord. Et le magasin Arthur, on trouve facilement ou... Oui. C'est à côté de la Bruyante, la rivière qui traverse le village. Il y a un pont pour traverser la rivière et c'est juste à côté. Voilà. La Bruyante, joli nom de rivière. Mmh. Ouais, c'est beaucoup de bruit, la rivière. Ok. J'imagine qu'ils ne l'ont pas appelé comme ça pour rien par là-bas. Mmh. Très bien. Eh bien, Lucie, merci beaucoup. Merci. On va s'écouter maintenant un morceau de musique qui s'appelle « Dedans, Inside ». D'où sors-tu ? Ta douceur. S'allonge sur la pente. Le paysage dans du cadre. Courte attente. Odeur de bois brûlé dans la vallée qui fume. Ferme les yeux. Dedans. Place. Ok, c'était Dedans, Inside de Mouche Otoku. C'était pour parler un petit peu de la région, du Bugarache, de la montagne, quoi. Et des sensations qu'on peut avoir en parcourant les chemins. Maintenant, Benjamin, il faudrait que tu nous parles d'André Gortz un petit peu, quoi, parce qu'on est là pour ça, quoi. Hein. Tant qu'à faire, on va... Bon, alors, André Gortz, un penseur important dans l'écologie politique, souvent cité, par exemple, dans des journaux comme La Décroissance. Donc voilà, j'ai voulu en savoir un peu plus sur lui, je me suis mis à lire quelques livres de lui. Alors déjà, je conseille avant toute chose Écologie et politique, suivi de Écologie et liberté, si je ne me trompe pas. Un ouvrage vraiment central, on va dire, dans la pensée écologiste en général, en tout cas en France. Alors André Gortz est né le 9 février 1923 à Vienne, et il est mort le 22 septembre 2007. Bon, une vie bien remplie. Il était philosophe et journaliste. Bon, il a publié pas mal d'ouvrages, et surtout notamment dans la revue Sauvage, qui était, enfin là, pour le coup des articles, dans la revue Sauvage, qui était une revue un peu précurseur dans l'écologie politique dans les années 70. Il a également été le cofondateur en 1964 du Nouvel Observateur, qui depuis a bien changé, hein, on va pas se mentir. Voilà, à la base, il rentre dans la philosophie avec l'existentialisme et le marxisme. On va dire, il était sartrien. Puis progressivement, il va se tourner vers une pensée plus révolutionnaire, on va dire, avec notamment, il s'inspire beaucoup de Herbert Marcuse. Donc vous pouvez lire L'homme unidimensionnel, qui est un peu un des ouvrages phares des années, on va dire, de la pensée des années 70. L'homme unidimensionnel, qui en gros s'inscrit dans une forme de freudo-marxisme. Alors, c'est pas le cas de André Gortz, qui va plutôt être, lui, à l'origine d'une synthèse, on va dire, ou tout au moins d'une intégration du convivialisme, notamment de la pensée d'Ivan Illich, dans un moule de réflexion beaucoup plus marxiste. Bon, ce qui n'est pas trop étonnant, parce que la pensée illichienne n'est pas vraiment étrangère au marxisme, au contraire. Néanmoins, il y a des thèmes qui sont très peu abordés dans tout ce qui est le convivialisme, comme la lutte des classes. Et on va dire que André Gortz va réintroduire la pensée illichienne avec dans ce contexte, dans cette façon d'analyser notamment l'économie d'un point de vue marxiste. Enfin, il va être aussi à l'origine un penseur de l'écologie politique. Donc voilà, à ce niveau-là, encore une fois, je vous conseille de lire son ouvrage Écologie et politique, suivi de Écologie et liberté. Et vous verrez, c'est très intéressant. On voit qu'il était précurseur sur de nombreux thèmes, notamment par exemple sur sa critique de l'obsolescence programmée. Et il propose une théorie explicative de l'obsolescence programmée dans un cadre de réflexion marxien, enfin, dans une analyse économique de type marxiste. Voilà, en gros. On a prévu en fait de vous présenter l'auteur en lisant quelques citations, et après en les commentant, on va discuter dessus. Donc je vais vous en lire une première, qui traite du thème de l'école. Alors, elle est sortie, elle a été publiée donc dans l'ouvrage Écologie et politique, qu'on peut trouver aux éditions Artaud et qui a été publié en 2018. Alors, en revanche, l'article date, si mes souvenirs sont bons, de 1973 ou 1974. Voilà, ça commence à dater. Hein, pour... bon, enfin, bref. Donc, alors, on part sur cette citation. La fonction de l'école n'est-elle pas de briser les réactions spontanées, d'intercaler entre le désir et la possibilité d'apprendre un lourd appareil institutionnel, sélectif et disciplinaire, qui scolarise bien plus qu'il n'enseigne et n'éduque. L'école est l'appareil essentiel de reproduction de l'ordre social. La destruction des capacités autonomes du travailleur s'opère par la scolarisation. L'école enseigne avant toute chose qu'il y a pour toute question une autorité compétente et pour toute activité des spécialistes, que l'amateur ne vaudra jamais le professionnel, que l'individu intégral ou polyvalent ne sera jamais qu'un dilettante, un touche-à-tout. La socialisation scolaire des individus consiste à décourager l'autonomie et la polyvalence en faveur de qualifications scolaires ou diplômes dont le caractère essentiel est de ne pas avoir de valeur d'usage pour celui qui les acquiert, mais seulement une valeur d'échange. Vous ne pouvez rien faire par vous-même avec ce que l'école vous enseigne. Vous pouvez seulement exercer vos qualifications scolaires pour le compte d'un tiers en essayant de vous vendre sur le marché du travail. L'école ne nous apprend ni à parler une langue étrangère ou même notre propre langue, ni à chanter ou à nous servir de nos mains et de nos pieds, ni à nous alimenter sainement, ni à nous débrouiller dans le maquis des institutions, ni à prendre soin d'un malade ou d'un bébé. Si les gens ne chantent plus mais achètent des millions de disques ou des professionnels chantent pour eux, s'ils ne savent pas s'alimenter mais paient le médecin et l'industrie pharmaceutique pour se faire traiter contre les effets d'une alimentation malsaine, s'ils ne savent pas élever leurs enfants mais louent les services de puéricultrices, diplômées d'État, s'ils ne savent pas réparer ni un poste de TSF, ni un robinet, ni soigner une foulure, ni guérir sans médicaments d'une grippe, ni faire pousser une salade, etc., etc., c'est que l'école a pour mission inavouée de livrer aux industries, aux commerces, aux professions patentées et à l'État des travailleurs, consommateurs, clients et administrés sur mesure. La fonction institutionnelle dévolue à l'école est de prolonger et de corroborer, et non pas de contrecarrer ou corriger, l'action désintégratrice, infantilisatrice, déculturante de la société et de l'État. S'il existait une société civile éducative, c'est-à-dire sous-tendue par une culture vivante, l'école ne pourrait avoir l'action qu'elle a, ni être ce qu'elle est. Si elle est ce qu'elle est, c'est qu'elle participe du processus général par lequel le savoir, la culture, l'autonomie ont été expulsés du travail, des rapports des gens entre eux, avec la nature, de l'espace habité et de la vie hors du travail, pour être concentrés dans des institutions spécialisées, où nécessairement, ils deviennent une spécialité institutionnelle. Voilà, bon, la citation était un peu longue, mais j'espère que vous éclaire sur de nombreux points au sujet de l'école. Alors évidemment, juste un point de précision avant d'entamer la discussion, quand André Gorz parle de l'école, il parle de l'école au sens large. Hein. Ça peut être aussi l'enseignement supérieur, l'école primaire, ou voilà, l'école, c'est on va dire tout le système scolaire. Voilà. Oui, ouais, tout à fait. Oui, c'est riche d'enseignement, justement, ce que tu viens de dire. On formate l'enfant très tôt, pour qu'il puisse s'insérer par la suite et être heureux au sein de la société. Voilà, quoi. Et on annihile ses capacités... enfin, innées, quoi. Pour le formater dans un moule dans lequel il va falloir qu'il se débatte toute sa vie pour s'en défaire, quoi, finalement. Pour devenir libre, indépendant et devenir quelqu'un, quoi. Se trouver lui-même, quoi. Tout à fait. Voilà. Et tout ça sanctionné, bien sûr, par des diplômes, par la fin, et donc par des spécialités, quoi. Commence très tôt à l'école, ensuite l'enseignement supérieur, bon, l'armée qui n'existe plus, et puis l'insertion dans le système, avec un travail qu'on ne veut pas lâcher, par peur de se retrouver sans ressources, voilà, quoi. Donc l'individu brimé et esclave de classe dirigeante, quoi. Et formaté, endoctriné dans un même moule, quoi, dont on appelle la société, quoi. Et qui change avec chaque, on va dire chaque, pas civilisation, mais chaque société, quoi. On s'en rend compte en voyageant un petit peu, d'ailleurs, quoi. Ouais, et puis alors ce que nous dit Gortz aussi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est-à-dire que autant, on va dire, il y a un discours dominant sur l'école républicaine, ou d'ailleurs pas forcément même, on va dire, qu'on va retrouver aussi dans les écoles religieuses, ou dans plein de systèmes scolaires, on va dire, quelle qu'en soit l'origine, qui va être de dire, l'école est émancipatrice. Mm. Et là, il prend vraiment le contre-pied. En pratique, il se base sur les analyses d'Illich, hein, mais pas que, puisque, comme je disais tout à l'heure, il essaie aussi d'intégrer ça dans une dimension plus marxiste, hein, au sens traditionnel du terme. Et donc, c'est ça un peu ce contre-pied qui va se heurter aussi à une forme d'idéologie dominante, quoi, qui dit, l'école, c'est grâce à l'école qu'on s'émancipe, c'est grâce à l'école que tu vas apprendre plein de choses. Et là, au contraire, hein, ce qu'il nous dit, c'est l'école, d'une certaine manière, non seulement elle va t'aliéner à un système dont tu maîtrises pas ni les tenants ni les aboutissants, et en plus, elle va te déculturer d'une certaine manière. Elle va décultiver. Ouais, c'est ça, tout à fait. Elle va imposer une culture qui n'est pas la tienne. Au même titre que l'impérialisme imposait, déculturer les gens, justement, quand ils arrivaient. Oui, tout à fait. Ah, ouais. C'est exactement le même. Notamment sur les langues vernaculaires, enfin les langues qu'on parlait comme l'occitan, hein, ou provençal, l'alsacien. Pour arriver à une culture massive, hein, internationale, quoi, qui est unipolaire, où chaque personne doit ressembler à l'autre bout du monde, en faisant les mêmes choses, en pensant la même chose et en mangeant la même chose, en ayant les mêmes préoccupations, quoi. Et tout ça sous le sceau de l'émancipation, justement. C'est ça qui est... Alors, quelques-uns s'en sortent parce qu'ils sont un peu plus curieux. Mais est-ce que le truc n'est pas adapté, justement, pour la masse des gens qui vont trouver le bonheur dans l'insertion dans la société, quoi. Mm-hmm. Voilà, c'est... Ouais, alors, sans compter, on va dire que à l'aliénation qui est présentée comme une émancipation, peut se rajouter un sentiment d'échec. Donc ça, c'est... Bon, pour ceux qui vont échouer dans Bien le sûr, système scolaire. Ouais. Et le sentiment la grosse de... majorité, ouais. Ouais, là, finalement, alors c'est ça, on parle d'émancipation, mais effectivement, peut-être que le fait d'arriver, on va dire, à conduire une réflexion, je sais pas, dans la physique fondamentale, etc. Et une forme. Bon, peut-être qu'il ne faudrait pas oublier que la recherche fondamentale aujourd'hui est organisée quand même de façon très industrielle, mais au-delà de ça, on pourrait imaginer la possibilité de construire ses propres outils de pensée. Mais honnêtement, est-ce que l'école vraiment nous apprend à faire ça, même, je veux dire, même sur le plan, on va dire, intellectuel, est-ce que l'école nous enseigne, si ça peut s'enseigner, une forme d'esprit critique? Je crois pas. D'ailleurs, les enseignants ont beaucoup de mal avec des élèves qui s'adaptent pas justement à ça, qui posent trop de questions, ou qui ou des gens qui sont, parler des enfants qui ont peut-être un niveau plus élevé que la majorité des élèves dans une classe, ils se retrouvent un petit peu à rejeter, mis au banc, parce que posant trop de questions et perturbant le programme et remettant en cause l'enseignement du professeur, quoi. Voilà, quoi. Donc, non, je crois que le véritable enseignement, c'est la vie, et puis c'est tout ce qui a été mis à la portée de tous, comme les médiathèques, Internet, maintenant, quoi. On se fait sa propre culture, son propre truc, quoi. Tout à fait. Et on n'a pas besoin d'être sanctionné par un diplôme, sinon, pour être inséré... Et c'est là qu'on rejoint un peu le programme, je dirais, d'André Gortz, c'est-à-dire de revenir à la valeur d'usage du savoir, c'est-à-dire, et non plus la valeur marchande, quoi. Voilà, c'est la connaissance plutôt que... Comment la connaissance peut servir à des fins qui sont les siennes déjà, et pas seulement les fins d'un système. Aller à l'école pour acquérir des connaissances sans avoir le stress d'être sanctionné aussi par un diplôme, etc., qui peut perturber, qui est souvent une source d'angoisse ou de de compétition même de la part des parents qui peut être terrible, hein, qui peut casser pour la vie, quoi. Tout à fait, voilà, ouais, mettre en échec durablement, ouais, on va dire. Avec la nécessité de réussir et puis si échec, s'il y a non-intégration, mais d'être cassé à vie, dévalorisé, une perte de confiance, etc. Quoi. Donc, oui, alors là, voilà ce qu'on peut dire pour l'école, quoi, pour l'enseignement. Quoi. Et encore, ne parle-t-on, j'ai envie de dire, que les effets, des effets un peu individuels, ce que ça peut donner sur une personne, même si collectivement on voit bien un peu les effets que ça peut avoir aussi en termes de domination sociale, c'est-à-dire une classe qui se sent, et c'est ce qu'ont prouvé les travaux de Bourdieu notamment, une classe sociale qui se sent infériorisée, diminuée du point de vue de ses performances scolaires, va hériter d'un complexe d'infériorité. Voilà. Et comment renverser ce complexe, voilà. De frustration, parce que en plus la et de frustration aussi. Ouais. La classe dirigeante sait très bien s'en sortir pour ses enfants avec les réseaux, avec les milieux où on voit que le diplôme il peut être acheté plus ou moins parce que l'enfant intègre des prépas, des grandes écoles et visiblement là, rejoint de plus en plus, un réseau ou un travail finalement lui. Sans être sans faire trop de conspirationnisme, mais bon c'est le au-dessus de tout le monde, quoi, de tout le monde, c'est ça, oui, on peut toujours le nier, mais il y a certains sociologues qui ont essayé de, on va dire, plutôt positionner à droite, comme Raymond Boudon pas Boudou. Qui pour le coup a fait un travail intéressant, cela dit, où il essayait de montrer que c'est dans l'intérêt des classes populaires ou des classes supérieures de conserver un peu, de faire des études qui sont en rapport avec leur positionnement de classe, etc. Mais bon, honnêtement, c'est pas très convaincant. D'ailleurs, il y a assez peu de sociologues qui ont retenu cette voie-là. Mais voilà, bon, après, évidemment, ça peut toujours être sujet à discussion, mais globalement, il y a quand même un phénomène de fond qui est que l'école reproduit les inégalités, quoi. Et voilà. Et après, il y a aussi tous les effets dont parle Gort sur la division du travail, la professionnalisation, des choses comme ça. Ça, on va pouvoir en parler peut-être après encore une dernière pause musicale. On va s'écouter encore un morceau de Mushotoku. Oui, donc qui s'appelle Plus loin. Voilà, et après on revient pour continuer sur les travaux fort intéressants d'André Gortz. À tout de suite. Terminé. De loin. bien cesser. Corps. Cesser. Corps. Cesser. Chant. Et on est de retour sur Radio Balade 101.8 dans l'émission Entrée sans payer. Donc on parle aujourd'hui d'André Gortz, un auteur phare de l'écologie politique. Et donc là on a abordé la question, donc sa critique, on a abordé sa critique, comment il critique l'école et son rôle, on va dire, dans la professionnalisation et dans la construction d'une société qui est orientée autour du travail. Donc un des thèmes centraux dans le travail d'André Gortz, c'est quand même, travail pour le coup, dans la pensée d'André Gortz, est de dire voilà, comment on peut construire une société libérée, une société alternative, dans laquelle le travail devient une denrée rare, on va dire, se raréfie, le travail perd son sens aussi, et finit par aliéner aussi bien d'ailleurs les classes dominées que les classes dominantes, hein, c'est vraiment un processus qui est systémique, quoi, qui dépasse les individus proprement dit, quoi, il n'y a pas de responsable, hein. Et donc comment on peut arriver à sortir de ça, voilà, donc Denis, on va vous lire une citation à ce niveau-là, donc, où il aborde la question comment on pourrait envisager une société libérée, quoi. Comment on pourrait la mettre en place. Bon, je lis un petit texte d'André Gortz, donc. Imaginez que la grande industrie, planifiée centralement, se borne à ne produire que le nécessaire. 4 ou 5 modèles de chaussures, de vêtements qui durent, 3 modèles de voitures robustes et transformables, plus tout ce qu'il faut pour les équipements et les services collectifs. C'est impossible en économie de marché, oui. Ce serait le chômage massif. Non. La semaine de 20 heures, à condition de changer de système. Ce serait l'uniformité et la grisaille. Non. Car imaginez encore ceci. Chaque quartier, chaque commune dispose d'ateliers, ouverts jour et nuit, équipés de gammes aussi complètes que possible d'outils et de machines, où les habitants, individuellement, collectivement ou en groupe, produiront pour eux-mêmes, hors marché, le superflu, selon leurs goûts et désirs. Comme ils ne travailleront que 20 heures par semaine, et peut-être moins, à produire le nécessaire, les adultes auront le temps d'apprendre ce que les enfants apprendront de leur côté, dès l'école primaire. Travail de tissu, de cuir, de bois, de la pierre, des métaux, électricité, mécanique, céramique, agriculture, etc. Ce peut être une société sans bureaucratie, où le marché dépérit, où il y en a assez pour tous, et où les gens sont individuellement et collectivement libres de façonner leur vie, de choisir ce qu'ils veulent et faire, et avoir en plus du nécessaire. Une société où le libre développement de tous serait à la fois le but et la condition du libre développement de chacun. Dixit Marx. Et oui, du temps pour faire ce qu'on aime et du temps pour apprendre, surtout pour se cultiver. Et voilà, parce qu'il faut dire qu'il y a une grosse part du marché qui est faite, le côté tertiaire, qui est faite pour faire tourner la machine, mais qui ne produit aucune richesse et qui ne sert à rien, quoi, finalement. Quoi. Tout à fait. Ouais. Alors, ça fait penser à l'auteur d'un anthropologue américain, très célèbre, pour un autre ouvrage qu'il a écrit sur la question de la dette. Donc, il fait une histoire de la dette. Ouais, David Graeber, ouais. Qui a écrit après un ouvrage sur les bullshit jobs. Oui. Bullshit job. Il analyse ces travaux qui ne servent plus à rien, en gros, et pour lesquels, limite, on va... Et qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire tous les gens qui travaillent dans des bureaux n'ont pratiquement plus leur place. Quoi. Mm. Au même titre qu'avant, il y avait des comptables... Ah oui, voilà, alors quand on voit à la vitesse à laquelle ça va, ça pourrait très rapidement... L'ordinateur quantique, etc., ça va disparaître du jour au lendemain. Mm. Mais alors comment occuper les gens, comment les rendre dépendants du système par un salaire, et comment leur prendre leurs heures, quoi. Mm. Comment leur donner l'illusion d'être utile dans un travail où finalement... Un pouvoir d'achat. Et... Alors c'est un peu le pari que fait Gertz, c'est est-ce qu'on continue à vivre dans l'illusion, dans une forme de mensonge collectif même, d'idéologie, là pour le coup, vraiment au sens marxiste. Comment on fait pour sortir de ça et aller vers quelque chose où les activités humaines reprennent un sens, quoi. J'ai l'impression, moi. C'est un peu le message qui... Ouais, mais est-ce qu'il faut attendre un flash solaire pour que tout s'arrête ou... Oui, tout à fait. une tempête solaire, ouais. Et voilà, et donc ce qui est vraiment... il aborde, on va dire, la question du revenu universel, directement. Je pense que c'est quand même quelque chose auquel il croyait, qui aujourd'hui est critiqué dans certains mouvements à gauche, dans le sens où ça pourrait créer aussi une forme de dépendance, qui est critiqué aussi bien à droite qu'à gauche, je veux dire. C'est, Et d'ailleurs qui est soutenu aussi par un... sans vouloir faire de politique, mais la droite, Oui, il y a une partie de la droite qui soutient, plutôt la droite libérale, qui soutient le revenu universel. Oui, pour continuer à avoir des consommateurs, quoi. Tout à fait. Et puis aussi pour sans doute réduire un peu des prestations sociales qui coûtent cher. Voilà. Prestations sociales. Ça peut coûter moins cher. c'est un phénomène qui est assez nouveau, parce qu'avant, je vois, quand j'étais enfant, il y avait quand même beaucoup de petits boulots où tout le monde pouvait quand même arriver à avoir ce qu'on appelle du boulot au bloc, mais m'en donna un coup de main par-ci par-là, avait un billet, etc. Alors que maintenant, tout ça n'existe plus. Quoi. Mm-hmm. C'était ramené par des prestations sociales, et elle a fait beaucoup de gens attendre la fin du mois pour toucher leur salaire. Comme, alors que, voilà. Quoi. Et tenu aussi par un État qui tient les gens. Quoi. On rentre dans les clous où ce truc saute, quoi. On achète un petit peu la paix sociale, quoi. C'est ça le truc. Donc c'est un peu la limite au revenu universel, quoi. Exactement. Ouais. Et alors aussi dans la citation que tu viens de nous lire, il y a cette idée de relocaliser la production. Alors pas seulement, on va dire, relocaliser dans le sens géographique du terme. C'est-à-dire, là, il insiste bien sur le fait que voilà, il faut mettre en place des outils de production ouverts à tous. Alors moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans sa pensée, c'est qu'il ne rejette pas nécessairement l'intégralité d'un mode de production, on va dire. Ce qu'il aimerait bien, alors après, est-ce que c'est un vœu réalisable, je ne sais pas, mais c'est qu'il propose donc, on va dire, la coexistence de plusieurs modes de production, une sorte d'équilibre, voilà, revenir à une forme d'équilibre. C'est-à-dire pourquoi ne pas utiliser, on va dire, l'efficacité de la grande industrie pour produire des biens de consommation de base, quoi. Et après, chacun pourrait aller dans des ateliers d'autoproduction. Alors, évidemment, quand on parle de ça, on se dit « Ah ouais, mais est-ce que les Fab Labs ou les tiers-lieux sont pas un peu dans cette logique ?» On voit aussi le retour beaucoup dans les centres sociaux de petits ateliers de couture, etc. Moi, je reste quand même un peu sceptique sur la finalité de ce genre de choses qui sont proposées et à qui ça sert, quoi. À qui ça sert vraiment ? Est-ce que les outils sont vraiment accessibles ? Pour l'instant, je vois pas vraiment pointer un mouvement déjà citoyen qui émergerait. Il y a des choses qui se font, mais ça reste très minoritaire, et je pense pas que, honnêtement, les tiers-lieux ou les Fab Labs, tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, rentrent là-dedans. Voilà mon point de vue. Ouais. Mais par contre, voilà, des ateliers d'autoproduction, des choses comme ça, là, on... Pourquoi ne pas repenser aussi, on parlait de ça, de l'aménagement du temps de travail, quoi, simplement. Oui, aussi. Pourquoi, ouais. Pourquoi cette obligation de travailler 35, 39 heures, pourquoi pas travailler le choix, quoi. Dire, non, moi, 20 heures, ça me suffit, et voilà, quoi. 5 heures. 5 heures. Ouais. 5 heures. Oui, mais ça dépend. Mais... Voilà, non, non, quelqu'un mais... qui gagne 3000 balles par mois, s'il veut travailler 20 heures pour en gagner que 1005, pourquoi pas, quoi. Mm. Mais ça, c'est pas possible. Ça reste des trucs qui sont... Alors qu'il y a du chômage, il y a des gens qui ont besoin de boulot, mais non, on va toujours dans le monde à l'envers, quoi. Dans l'inversion de ce qu'il faudrait faire, quoi. Tout à fait. C'en est même choquant, quoi. Oui, c'est choquant pourquoi cette absence de clairvoyance, quoi, hein, sur un phénomène. Bah, Gors en parle beaucoup, quoi. Il dit, voilà, on est dans les ouvrages dont je... surtout dans... Alors, il y a un autre ouvrage, Bâtir une société du temps libéré. Je crois que ça s'appelle comme ça, qui est aussi très intéressant. Et il y a cette idée, pourquoi on continue... voilà, est-ce qu'on est face à un peu un choix de société? Est-ce qu'on continue à courir droit dans le mur? Ou est-ce qu'on reprend le problème du travail à la base, quoi? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut aller aussi jusqu'au point de vivre sans travail? Voilà, sans travail rémunéré, sans travail salarié? Eh ben, c'est faisable. Mais oui, selon le choix de tout à chacun, fait. Quoi. Selon le choix de chacun, et alors, évidemment il y a des écueils, des difficultés, et pour en parler, j'ai interviewé Laure Aligier, qui a décidé depuis d'arrêter de travailler depuis 14 ans. Alors c'est un choix tout à fait conscient, elle a aussi déscolarisé son enfant, et donc vous allez voir à travers cette interview que c'est quand même... aussi une ouverture vers une ouverture des possibles, quoi. Ça lui permet de s'ouvrir vers d'autres horizons et de réaménager effectivement son temps libre, son temps de travail, travail personnel, d'autoproduction comme elle a envie. Donc voilà, on va terminer l'émission là-dessus. Merci André Gortz de nous merci avoir Benjamin. Écrit ces beaux textes. Merci Denis aussi pour la musique et merci Lucie qui n'est plus là qui n'est plus dans l'émission actuellement et qui nous a parlé de la tournée du Donezan. Et c'est parti, on écoute l'interview de Laure. À très bientôt sur Radio Balade dans l'émission Entrée sans payer. Tu viens de fêter récemment tes 14 années de vie sans travail. Je vais fêter. Tu vas fêter. Oui, donc du coup, il y a à peu près 14 ans, même si ça ne s'est pas fait tout de suite, j'ai décidé d'arrêter de vendre quoi que ce soit, notamment parce que je considère que ce que je suis ne m'appartient pas et d'en tirer bénéfice dans un contexte avec des lois du marché quand même bien subjectives, je comprends pas en fait. Donc voilà, je me suis autorisée à faire ça. Et depuis, j'ai imaginé plein de façons de fonctionner avec ce qui existe pour moi. Et la dernière imagination que j'ai eue, donc elle n'est pas encore réalisée, mais là je suis au stade de l'imagination. Et j'aimerais cet été, là on est déjà au milieu de l'été, expérimenter. Donc l'idée, ça serait de concevoir un objet façon roulette que j'actionnerai avant ou après avoir fait un massage, parce que c'est une des choses que j'aime faire dans la vie. Et cette roulette, en fait, le fond de cette roulette serait un camembert qui représenterait l'humeur économique du jour, on va dire. Sachant que je pense que ce qui est à peu près en fond d'écran dans ma vie quotidienne, c'est ça serait d'avoir à peu près les trois quarts du camembert où quand la flèche tombe là, on cherche pas à savoir qui donne, qui reçoit, est-ce qu'il y a de l'argent qui est échangé ou pas. on est juste en train de vivre un moment de vie qu'on avait envie de vivre, qui est une part où j'imagine que la personne qui est massée puisse me donner de l'argent dans la quantité qu'elle a envie. Une autre partie que j'ai encore jamais expérimentée, parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me donne spontanément de l'argent, mais l'autre partie que j'ai encore jamais expérimentée, ça serait que ça soit moi qui donne de l'argent à la personne qui est massée. Et du coup, qui reflèterait ce que moi j'ai reçu en pouvant, en ayant des conditions où je peux masser. Et puis une autre case où c'est réciproque, c'est-à-dire que ben, moi je donne l'argent à la personne qui signifie que ben, j'ai reçu quelque chose en massant, et l'autre personne me donne de l'argent qui signifie qu'elle a reçu quelque chose en étant massée. Voilà, et là c'est, on va dire, c'est le brouillon de l'idée, et, et après ben, j'aimerais expérimenter ça. Qu'est-ce que tu attends de cette expérimentation ? Quelle idée derrière ? Est-ce que c'est alors, ouais. Que juste pour... C'est, j'ai pas eu le dire avant, mais je me suis dit que c'est plus explicite de le dire après. C'est de positionner les modèles économiques comme étant pas quelque chose auquel tout le monde devrait se conformer, parce qu'on pourrait trouver le modèle économique qui convient à toute l'humanité entière. Mais que chacun puisse conscientiser, ben tiens, moi, chaque être vivant a son modèle économique, sa façon de subsister et d'exister, de subsister. Et qu'elle puisse mettre ça en scène, ben si cette personne elle est dans une conscience qu'il faut toujours qu'il y ait un donneur, un receveur avec un prix fixe, ben l'ensemble de son camembert, c'est du prix fixe. Donc du coup, la roulette n'a pas tellement lieu d'être, mais je pense que si chacun a envie d'un peu jouer à avoir ça, ben, y a tout un panel de choses qui peuvent se profiler. Et après, ben, moi, j'ai envie de savoir ce que ça fait pour moi de donner de l'argent quand je masse. J'ai envie de savoir ce que ça me fait dans ma posture de masser. Est-ce que ça influe sur ma façon de faire d'être au courant de ce qui va se passer en termes monétaires ou non monétaires. Voilà, c'est la dernière frontière que j'ai envie d'expérimenter. Et tu le ferais dans quel contexte, précisément ? Alors, pour l'instant, j'ai imaginé deux contextes. Un où je suis un peu nomade et puis, de temps en temps, je m'installe avec un coin massage et cette roulette. Oui. Et un autre où, de temps en temps, je vais dans un marché et puis, ben, comme un marchand X ou Y, ben, au lieu d'avoir une étiquette avec le prix, ben, j'ai cette roulette-là. T'aurais ce camembert, quoi. Voilà. Donc, ça serait du prix libre à chaque fois, quel que soit le sens dans lequel ça aille. Il n'y aurait pas de prix prédéterminé. Alors, par rapport si. À... Moi ça ne m'intéresse pas, personnellement. Mais, d'accord. Peut-être que je me rendrai compte qu'à force de l'expérimenter, j'ai envie d'essayer de voir ça aussi. Ouais. Mais a priori, ça ne m'intéresse pas personnellement. Et puis je disais aussi que ça m'intéressait de savoir ce que ça fait en moi et aussi ce que ça fait en l'autre. Sachant que moi, ça m'ouvre plein de joie et d'espace de liberté, mais pour en avoir déjà parlé autour de moi, ça peut aussi faire peur, en fait, de sortir des rails habituels et de se mettre à penser un peu plus... dehors d'une zone de confort certes apprise, mais qui n'en est pas pour le moins confortable.